belle journée à l'écoute de La Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, du changement de régime à la prise d'otage. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Avec le Shah, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Plein feu sur l'Iran. Le pays était en plein chaos et personne n'osait parler de problèmes politiques, de désordre. Les États-Unis, qui avaient vendu des armes massivement aux Shah pendant les années qui ont précédé la prise d'otages, ils avaient quand même pas réussi à comprendre qui étaient ces gens de l'opposition et à établir un réseau autre que celui du Shah. Premier épisode, un hôte encombrant. Iran, 1977, une année cruciale pour le pouvoir, pour le roi. Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, maître du pays depuis près de 40 ans. 1977, cela commence en janvier. Des intellectuels iraniens s'adressent aux responsables politiques de leur pays pour exiger l'application de la Constitution. C'est la politique des droits de l'homme du président américain Jimmy Carter, fraîchement élu. Au mois de mai, les conclusions d'un séminaire sur l'Iran, organisé à New York, remettent en cause le fondement de l'idéologie de développement voulue par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui entendait faire de l'Iran la cinquième puissance industrielle du monde. Au mois de juin, trois dirigeants d'un des partis d'opposition, Front National, s'adressent au Shah par une déclaration publique afin d'exiger l'application stricte de la Constitution et l'abandon de la dictature. Pendant l'été, des lettres de protestation circulent clandestinement. Au mois d'octobre, des poètes et écrivains contestataires prennent la parole à l'Institut Goethe de Téhéran pour dénoncer la censure et la répression. Pour la première fois depuis longtemps, ces réunions publiques sont tolérées. La confrontation publique avec le régime a lieu pour la première fois le 21 novembre 1977. Un millier de personnes réunies à Karaj pour une fête religieuse. La réunion est attaquée par des agents du gouvernement, plusieurs personnes sont blessées. Décembre 1977. Une lettre ouverte signée par 28 personnalités exigeant l'application de la Constitution et le respect des droits de l'homme en Iran est envoyée au secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim. Fin 77, début 78, les réunions religieuses se multiplient à la mosquée de Koba à Téhéran. Pendant ces réunions, des dignitaires religieux prennent la parole et se font connaître ainsi des élites du pays. 8 janvier, le journal Etela publie un violent article contre un certain Ayatollah Khomeini, chassé du pays depuis 14 ans et qu'une grande partie de l'opinion iranienne a oublié. Bernard Ourcade. Les partisans de Khomeini donc avaient une activité politique en Irak, en Palestine, s'entraînant dans les camps palestiniens, à l'étranger, où Banissad, Robzadeh avaient tout un réseau à l'étranger soutenant l'action de Khomeini. Mais c'était une tête d'épingle, c'est un tout petit groupe de religieux, politiciens, très proches des frères musulmans. Il y en avait comme ça des dizaines pour tous les pays musulmans du monde qui avaient leur petit opposant à l'étranger. Mais Khomeini ne représentait en aucun cas une force politique en Iran, il était inconnu en Iran. Qui était ce Khomeini? Rappelez-moi qui c'était ce type-là. Ah oui, il est parti dans les années, il y a une vingtaine d'années maintenant, en Irak. Oui, c'est un opposant au Shah. Oui, bon, très bien. Depuis son exil, Khomeini a opéré la contre-attaque politique en faisant diffuser des cassettes sonores clandestines. L'effet des prêches enregistrées est jusque-là resté limité. L'article du journal, imposé par la cour, propulse d'un coup Khomeini au devant de la scène. Du jour au lendemain, le voici principal symbole des victimes du pouvoir impérial. Dès le lendemain, le cycle manifestation-affrontement-victime-manifestation commence dans la ville de Rome. En février, à Tabriz. Au mois de juin 78, le Shah déclare personne ne peut me renverser, je jouis du soutien de la plus grande partie du peuple, de tous les ouvriers et de 700 000 soldats. Le 19 août 78, le cinéma Rex de la ville d'Abadan est détruit dans un incendie. Plus de 400 victimes. On a bouclé les portes extérieures du cinéma. Il y a encore querelle. La SAVAK, les services secrets, des islamistes proches de Khomeini ou un autre clan. Trois semaines plus tard, à Téhéran, une manifestation. Plusieurs milliers de personnes rassemblées sur la place Lalée, des dizaines de morts. Ce vendredi noir, c'est la date décisive. Yves-Paul Vincent, envoyé spécial à Téhéran. Je suis allé ce matin dans le quartier de la place Jalé et près du bazar, véritable poumon commercial de Téhéran. Eh bien, l'énorme majorité des rideaux de vitrines sont baissés. Ce refus de travailler est sans doute la manière dont les commerçants de la capitale ont transposé dans la réalité l'appel à la résistance populaire lancé hier soir depuis l'Irak par l'ayatollah Khomeini. En outre, des centaines de slogans ont encore surgi sur les murs, sur les boîtes aux lettres, sur le flanc des poubelles ou sur les panneaux de signalisation. Ils disent grosso modo ceci, à bas la monarchie Pahlavi, il faut répondre aux armes par les armes et surtout, mort au chat. Mehdi Tavakoli, militant d'opposition. On attendait les instructions de Khomeini. Le message de l'imam a commencé à circuler. Il fallait tenir bon et rester dans la rue. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus quitté la rue. À l'époque, c'était la révolution des glaïeuls. C'est la saison des glaïeuls en septembre en Iran. Il y a beaucoup de glaïeuls. Bernard Ourcade, spécialiste de l'Iran. Et la foule donnait des glaïeuls aux soldats. Et pour la première fois aussi, les gens chics et bien, les intellectuels, les femmes bien habillées, manifestaient avec, pour la première fois, des religieux. Ça n'était jamais arrivé de leur vie. Mais il y a eu cette fusion entre les troupes, en quelque sorte, d'Ayatollah Talleyrani et le mouvement des écrivains, le mouvement des laïcs qui ont trouvé l'occasion, par cette magnifique journée d'Aïd des Fêtes, c'est-à-dire fin du Ramadan, de pouvoir montrer au chat qu'il y avait là un mouvement populaire très important dans la bonne humeur et dans la sécurité. Et tout le monde était rassuré. Cette fête était extrêmement bon enfant. Ce peuple voulait la liberté, voulait le progrès, voulait l'indépendance, et surtout voulait la fierté. Bani Sadre, opposant au chat en exil à Paris, un proche de Khomeini. Avec le chat, c'était notre peuple était un peuple méprisé. Et aucun peuple n'accepte pas d'être méprisé. Donc c'était pas une révolutionnaire, pas du tout radicale dans le sens que vous imaginez. À l'automne, le maître de l'Irak, Saddam Hussein, fait à Mohamed Reza Pahlavi, le maître de l'Iran, une étonnante proposition concernant l'exilé Khomeini. Ardeshir Zahedi, diplomate iranien, ministre des Affaires étrangères dans les années 60-70, ambassadeur aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'était pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères irakien est venu apporter un message de Saddam Hussein à son homologue iranien, dans lequel il proposait soit d'expulser Khomeini d'Irak, soit, si on préférait, de l'éliminer carrément. Mohamed Reza Pahlavi préfère rester prudent. Il fait part de son choix à son épouse, Farah Pahlavi. À l'époque, nous pensions que si quelqu'un nous débarrassait de Khomeini, il deviendrait un martyr, ce qui serait encore pire. Depuis l'Irak, Khomeini sème la panique en Iran. Le Shah décline la proposition de Saddam Hussein de le faire assassiner. En revanche, il donne son accord pour l'expulsion. Ibrahim Yazdi, conseiller de Khomeini. J'ai conseillé à M. Khomeini d'aller en Europe. Je lui ai dit, on n'a pas besoin de visa pour la France. On rentrerait sans problème. Et puis, rien ne vaut Paris en matière de politique internationale. Ahmed Salamatian, opposant au Shah d'Iran. Lui-même, il n'avait pas envie de venir à Paris. Qui, malgré lui, il n'avait pas d'autre choix. Il avait fait tout son possible pour pouvoir aller en Koweït, qui lui avait refusé l'entrée. Il avait fait tout son possible pour obtenir un visa du Pakistan pour aller au Pakistan, le Pakistan qui lui avait refusé. Rotbzadeh avait fait tout son possible pour essayer de lui trouver un refuge en Syrie, que la Syrie avait refusé. Après, il avait même demandé qu'on fasse des études pour voir s'il pouvait partir en Algérie. Les Algériens n'ont pas voulu. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, la seule solution qui lui restait, c'est d'accepter la proposition qui lui a été faite déjà depuis plusieurs semaines par Banissad, surtout à Paris, pour venir à Paris. Donc, à mon avis, il est venu à Paris malgré lui. Bani Sadr. J'ai reçu un coup de téléphone de son fils me disant que préparait un appartement dans 24 heures. Je ne savais pas que c'est Khomeini lui-même qui va venir, parce qu'il n'a rien dit. Alors Khomeini, il préférait venir à Paris parce qu'il connaissait le régime des pays arabes. Sous leur tutelle, lui pouvait pas jouer un rôle, premièrement. Et deuxièmement, il savait que pour beaucoup de questions, lui seul n'avait pas de réponse. Donc il fallait un milieu où qu'il y ait des gens qui puissent préparer des réponses convenables pour des questions qui se posent dans une révolution sans précédent dans l'histoire de l'humanité, que tout un peuple était en mouvement. 6 octobre 1978, Khomeini débarque à l'aéroport de Roissy. Ahmed Salamatian. Pour les vieilles, la vieille tradition, Paris était toujours considéré comme la ville de débauche. Et on ne part pas de Najaf pour aller à Paris. Il ne faut pas oublier que Sharif Emami, le premier ministre de Shah à cette époque, lui-même était un fils de Mollah. Et après, on a su que ça, c'était une idée de Sharif Emami d'encourager et d'essayer de faire tout pour que Khomeini arrive à Paris avec cette idée que Khomeini, 3 mois à Paris, ça lui suffit pour casser complètement sa sainteté. À mon avis, Khomeini lui-même avait des appréhensions pour venir à Paris à cause de ça. Il le disait, il ne cachait pas. Il suffit qu'on me dise « Orhun de Parisi, Mollah parisien » et il en serait fini de ma carrière religieuse. Jean-François Poncet, alors ministre des Affaires étrangères français sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons été informés de son arrivée en France qu'après qu'il ait passé les contrôles de police, la douane, etc. Il était déjà en France. Je vous rappelle qu'à cette époque, on avait supprimé les visas. Quant à la douane, pourquoi voulez-vous qu'elle arrête quelqu'un qui n'a rien dans ses bagages ? Donc il est tout à fait logique qu'on l'ait laissé rentrer. Le problème s'est posé de savoir si on l'expulsait ou non. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons interrogé le Shah, qui nous a dit surtout ne l'expulsez pas. Et dans la situation qu'il y avait en Iran à l'époque, l'expulser aurait été un geste politique de nature à influer sur la situation extraordinairement explosive qui régnait à Téhéran. Mohsen Sazegara. Les radios persanophones étrangères comme BBC, tout ça, avaient donné la nouvelle et 24 heures après, déjà, les étudiants et les Iraniens de l'étranger ont commencé à venir. Ahmed Salamatian. Je faisais des études de physique à Chicago quand le docteur Ebrahim Yazdi m'a appelé. Il m'a demandé de venir les rejoindre et à 2h du matin, j'étais dans un avion pour Paris avec à peine $8 en poche. Mohsen Sazegara. À tel point qu'une semaine après, l'appartement où il était à Cachan, ce n'était plus possible qu'il reste. C'est pourquoi on s'est mis à la recherche d'un endroit et il est allé s'installer dans le château. Histoire vivante, cette semaine, plein feu sur l'Iran. Aujourd'hui, un hôte encombrant. Lonfle-le-Château, un petit village de la banlieue ouest de Paris. Un petit village comme tant d'autres, plutôt joli et agréable. Un village qui est devenu un peu par hasard la capitale de l'opposition iranienne. On passe l'église, on descend dans la vallée et on arrive devant un petit pavillon d'apparence ordinaire s'il n'y avait devant la porte d'entrée deux gendarmes armés de mitraillettes. Autre élément étrange dans ce décor, des dizaines de voitures venues d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, les voitures des pèlerins. Le grand moment de la journée est sans conteste la prière de 13 heures. Sous un pommier, dans le jardin, on place une toile cirée en guise de tapis. C'est là que tous les jours, 50 ou 60 Iraniens se livrent à leur dévotion avec ferveur. Pour bon nombre de journalistes, il est temps de faire du rattrapage dans le domaine du religieux iranien. Mais qui sont donc ces chiites ? En quoi sont-ils différents des autres musulmans ? Et que veut donc ce clergé barbu et enturbané ? Qui est donc cet imam qui fait trembler un roi ? Et pourquoi ce choix de la France ? Khomeini et ses collaborateurs ont adopté le mode de la réponse évasive, laissant ouvert le plus grand nombre d'interprétations. Pas moins de 130 interviews durant le séjour de 4 mois à Nofle-le-Château. On aide actuellement l'ayatollah à monter la pente qui est boueuse. Voilà, il se dirige le long de la tente qui sert actuellement de mosquée. Il se baisse et rentre dans la mosquée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il faut savoir que l'ayatollah Khomeini est venu en France avec ses habitudes de vie. Ahmed Salamatian. Ayatollah d'une autorité religieuse dans une ville sainte, c'est des habitudes qui meublent complètement les 24 heures. La prière à 5 fois, les prêches de la journée, c'est les choses qu'il faisait depuis 70 ans tous les jours. Ce n'était plus dans le cadre des mosquées de Najaf ou de Qom, mais c'était sous le pommier de petit jardin de Nofle-Château. Mais il y avait une différence, que tout ça, maintenant, ça se faisait sous le projecteur des télévisions, à l'écoute des microphones, des radios de toutes sortes. D'une certaine manière, je peux dire, on ne découvrait pas l'ayatollah Khomeini. On découvrait une certaine manière de vivre des musulmans. La nuit tombe sur Nofle-le-Château, c'est l'heure de la prière. À l'instant même, le mollah vient de poser son front sur une petite plaquette. Sur une plaquette de terre cuite, il semble. Il continue sa prière. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, Rabbiyal Azim. Cela dit, il ne faudrait pas croire que l'ayatollah passe son temps entre les prières et les audiences. C'est bien ici à Nofle-le-Château, en compagnie de 5 ou 6 proches amis, pas plus, qu'il définit la stratégie de sa révolution islamique. Il n'y a dans ce pavillon qu'un seul téléphone, mais on peut aisément penser qu'il est très fréquemment occupé avec Téhéran. D'ailleurs, on n'arrive jamais à le joindre. Bani Sadr. Comment s'était organisé sa vie personnelle et politique à Nofle-Château? Alors, disons qu'il a fait vite deux organisations parallèles. Une pour les activités politiques, pratiques politiques, disons. L'autre pour la théorie révolutionnaire, le discours de la révolution. Quoi dire? Donc, il a nommé une commission que je faisais partie. Il y avait aussi M. Yazdi, M. Rozadeh, son fils, son gendre. Chaque journaliste devait poser ses questions avant, écrit. Nous, nous préparions les réponses. Les réponses, on les donnait à M. Khomeini. Et devant le journaliste, il répétait la réponse. Paul Balta, spécialiste des mondes arabes et musulmans et de la Méditerranée. Qu'est-ce qui a fait aussi cette audience de Khomeini au-delà des mosquées? Les persans ont le sens de la diplomatie, du compromis. Et pour les persans, les politiques étaient en gros des gens corrompus ou en tout cas magouilleurs qui ne savaient pas dire non, non au chat ou à qui que ce soit, et qui préféraient ménager leurs intérêts. Et de ce point de vue, il faut bien dire que Khomeini a été le seul à dire des choses et à s'y tenir, et des personnages illustres du régime, ou d'ailleurs qui venaient, c'est eux qui en quelque sorte faisaient allégeance et s'inclinaient. Petite visite d'étudiants à Neuf-le-Château. Je suis un chef religieux et un chef politique. À mon avis, il n'y a aucun différent entre la politique et la religion. C'est un symbole. Le peuple soutient, c'est ça qui est important. Moi, je croyais que c'était un retour en arrière. Mais heureusement, ce n'est pas un retour en arrière. Plutôt, c'est un islam moderne qui vont appliquer. S'il y aura un gouvernement islamique, il va contenir toutes les conditions qui exigent l'époque moderne et disons, industrielle. Très vite. Excusez-moi. Long live Khomeini, Islamic Republic. Long live Khomeini, Islamic Republic. Sadegh Otsadegh, on a souvent dit quand même que le gouvernement islamique, bon, bien qu'il se déclare progressiste, risquait d'être plus réactionnaire que celui du Shah. On a des craintes quant à la libération de la femme en Iran. Bon, sur la libération de femme. Selon l'Aïtullah, selon ce que nous avons déclaré plusieurs reprises, les femmes sont tous les droits exactement comme les autres. Sadegh Gozadeh, porte-parole de Roménie. De devenir des députés, être élus et à voter, de devenir ministre, même le président s'il faut. Et ils ont parlé, ils ont réclamé la République islamique parce qu'ils savent maintenant, c'est... Le voie à l'islam, c'est la seule voie pour eux de se libérer et donner leur liberté et dignité. Bani Sadr. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les dirigeants d'une révolution s'engageaient devant le monde tout entier. Jamais ce n'était pas arrivé. Bon, alors c'est pourquoi nous étions tout à fait sûrs qu'ils respecteraient ces engagements. Et le peuple iranien aussi. Donc tout le monde disait, ce n'est pas un homme politique qui ne respecterait pas ses promesses. Au contraire, c'est un homme religieux et même chef religieux. Donc, il respecterait 100% ses engagements. Qui croit qu'une fois au pouvoir, il fera tout à fait le contraire. Ces mots d'ordre lancés de Neuf-le-Château deviennent quelques jours plus tard, à Téhéran, les slogans des manifestants. Moi je dirais c'est le Fifi et le Sony qui faisaient le travail de l'organisation. La technologie moderne permettait la duplication des cassettes à des vitesses incroyables. Ahmed Salamatian. Importante par rapport à avant. Il suffisait d'enregistrer un message de l'Ayatollah Khomeini par les appareils à des vitesses 5 fois moins que la vitesse normale. À ce moment-là, un message qui durait 15 minutes, ça se passait au téléphone en 3 minutes. Une fois le message pris en Iran, toutes les chaînes de copie et de production de cassettes qui jusqu'à ce jour-là reproduisaient des chansons de la musique les plus pervers d'après les religieux, du fait même qu'il y avait un marché pour les cassettes de l'Ayatollah Khomeini, s'était transformé en usine, en chaîne de reproduction des cassettes de l'Ayatollah Khomeini. همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کجا و از ژاپن باید جلو بیفتیم فلان یه همچه آدم ضعیف زبونیست که میرد در امریکا بعد از همه تشریفات که اجازه بدن رو چه بکنن برد اونجا میستد اونجا پهلوی اون جاکو ظاهرن بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند اینک رو برد داشته اونطور نگاه می کند اون اینطوری ایستاده Ces appels à la révolution embarrassent la France, jusque-là alliée du Shah. En ce qui concerne l'Ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Il lui a été indiqué à deux reprises, il y a plusieurs semaines et plus récemment, que le sol de la France n'était pas un territoire d'où pouvaient être lancés des appels à des actions de violence. Que la France était un pays d'asile pour ceux qui souhaitaient y trouver asile, mais n'était pas, je le répète, un territoire à partir duquel des appels à la violence pouvaient être lancés. Et celui que le président Giscard d'Estaing a envoyé à plusieurs reprises à Nofle-le-Château est Claude Chaillet, émissaire du gouvernement français. Je suis donc arrivé dans ce pavillon de banlieue, dans cette chambre vraiment dénudée. Ça m'avait impressionné. J'ai fait le rapprochement avec la cellule de moine. Il n'y a pas de canapé, il n'y a rien pour s'asseoir. Lui est assis par terre en tailleur, enturbané de noir, naturellement une barbe blanche, des yeux très vifs, scrutateur. Je lui dis, voilà, ces derniers jours, vous avez prononcé des philippiques enflammées contre le chef de l'État avec lequel nous avons des relations diplomatiques normales. Et donc, il n'est pas raisonnable que sur le territoire français, vous teniez des propos de caractère politique. Ah bon, t'as mis. Ibrahim Yazdi, conseiller de Roménie. Monsieur Roménie a alors répondu « Je n'ai aucune intention de me mêler des affaires politiques de la France. Je me contente d'envoyer des courriers en Iran. Ce que les gens font en Iran une fois qu'ils ont reçu mes courriers, cela ne regarde pas le gouvernement français. » Notre épisode était intitulé « Un hôte encombrant », une réalisation de David Golan. Demain, la suite de cette évocation. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.